J'ai besoin d'une ambulance, la lumière d'un gyrophare, histoire d'éclairer le silence, de chasser mes idées noires. Je ne compte même plus les anges qui sont passés sans me voir. Ça fait beaucoup d'ailes blanches, ça fait pas beaucoup d'espoir. J'ai besoin d'une ambulance pour écraser mon décor, pour me sortir de mon errance, pour m'amener à bon port. Je ne compte même plus les diables qui s'invitent à ma table. Je me sens parfois misérable, je retrouvais la confiance. Sans raison, sans prison, j'ai besoin de vivre fort. Arrêtez-moi si j'ai tort. Même au prix de la folie, je dois conjurer le sort. Noyé d'amour, mais pas mort. J'ai besoin d'une ambulance, une envie pour me conduire. Dans le moteur, j'ai plus d'essence. J'ai pas moyen de m'enfuir. En moi y'a plus rien qui danse, plus rien qui me fasse frémir. Mais j'attends la délivrance, elle finira par venir. J'ai besoin d'une ambulance pour ne plus me sentir malade. Je veux voir le monde immense, juste m'offrir une balade. Il suffit de pas grand chose pour retrouver le sourire. S'il y a l'épine, il y a la rose, il suffit de s'en souvenir. Sans raison, sans prison, j'ai besoin de vivre fort. Arrêtez-moi si j'ai tort. Même au prix de la folie, je dois conjurer le sort. Noyé d'amour, mais remords. Sors de ta chambre, sors de ta rue, sors de ta ville. Je suis comme toi, j'ai le cœur qui tremble. C'est vrai que partir, c'est pas facile. Mais il faut savoir tout laisser, finir pour mieux recommencer. Et si je ne trouve pas d'ambulance, je ferai le chemin qui reste à pied. Sans raison, sans prison, j'ai besoin de vivre fort.